Apporter se dit bringen. Bringen. Dans le sens de porter un toast à quelqu'un, bringen a donné en français le mot bringue. Alors pensez à faire la bringue et à apporter de quoi boire et manger. Bringen. B-R-I-N-G-E-N. À vous. Comment dit-on apporter? Bringen. Bringen. Et venir? Kommen. Kommen. Et trouver? Il faut avoir l'oreille fine, bien sûr. Finden. Finden. Et voir? Sehen. Sehen. Et aller? De voir à aller, il n'y a qu'une lettre de différence. Gehen. Gehen, oui. Comprendre. Verstehen. Verstehen, très bien. Je comprends. Ich verstehe. Ich verstehe, oui. Et je vous comprends très bien. Ich verstehe. Ich. Verstehe. Ich verstehe sie. Ich verstehe sie. Encore une fois. Ich verstehe sie. Très bien. Sehr gut. C'est ça. Ich verstehe sie sehr gut. Je ne vous comprends pas très bien, se dira donc. Ich verstehe sie nicht sehr gut. Bien. Ich verstehe sie nicht sehr gut. Comment dira-t-on? Me comprenez-vous? Verstehen Sie mir? Non, quand me ne signifie pas à moi, on emploie mich. Mich, c'est comme ich, avec un M devant, donc me comprenez-vous? Verstehen Sie mich? En revanche, si me est utilisé dans le sens de à moi, alors on emploie mir. Et pour répondre je n'arrive pas très bien à vous comprendre, c'est-à-dire je ne peux pas très bien vous comprendre, vous direz je ne peux pas vous se dit ich kann sie nicht sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut verstehen. C'est ça. Ich kann sie nicht sehr gut verstehen. Nicht porte sur l'ensemble de l'action sehr gut verstehen. Et on a donc kann du verbe können. C'est ce que j'appelle un verbe porte-manteau. Et le verbe qui est accroché se trouve en fin de phrase. Ich kann sie nicht sehr gut verstehen. Et maintenant, comment diriez-vous apportez le moi, s'il vous plaît. Ici, moi équivaut à moi. Donc, on a. Bringen Sie es. Oui. Mir bitte. C'est ça. Bringen Sie es mir bitte. Et maintenant, pouvez-vous me l'apporter aujourd'hui? Können Sie. Oui. Können Sie. D'accord. Es mir aujourd'hui. Heute bringen. Très bien. Können Sie es mir heute bringen? Pouvez-vous können Sie? Et après können, qui est un verbe porte-manteau, effectivement, vous devez placer l'autre verbe à la fin. Können Sie es mir heute bringen? Avoir se dit haben. H-A-B-E-N. Haben. Donc, nous avons, c'est. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Comment diriez-vous nous l'avons, c'est-à-dire nous avons cela? Wir haben es. Wir haben es. Nous ne l'avons pas? Wir haben es nicht. C'est ça. Wir haben es nicht. Avez-vous? Haben Sie? Haben Sie? L'avez-vous? Haben Sie es? Mhm. Haben Sie es? Pourquoi se dit warum? Warum? Warum s'écrit W-A-R-U-M. Warum? Tout comme ces autres petits mots qui servent à poser une question, warum commence par un W prononcé V. Was, wann, wenn, wie, wo et warum. Warum? Pourquoi ça fait vroom vroom? Warum, c'est pourquoi. Alors, pourquoi ne lavez-vous pas? Se dira. Warum haben Sie nicht es? Warum haben Sie nicht es? Ou warum haben Sie es nicht? Oui, normalement le pronom, comme ici es ou sie, vient devant nicht. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, warum haben Sie es nicht? Pourquoi ne l'avez-vous pas?